nga ta formé mwana na ye atikala ka toujours na secret moko to mi balé pona ye moko Caviar à Russie, au baliacan appétit, appétit n'a pas yo yo yo. Notre nom est qui a Claudia Sassou, appétit n'a pas yo yo yo. Notre nom est Claudia étoile d'état. Magie des épices et des verrues, n'a ils ont tout juste avant la nuit. Malala bien, multiplié, amour multiplication. Chantal Louemba, amour multiplication. Étoile d'état. Capotable, pour l'amour, Claudia Ikia Sassou. Comment séparer le texte du contexte? Claudia Sassou, mon si à sourire et maille diamant. À propos d'amour, Naïa, et à ta fusion sentimentale. Or, Chine Ragno, ma sentiment. A Kosuka, Wapina, Bolingo. Et Ama, Mama. Étoile d'État. Appétit Nanga, Dato nanga Claudia Sassou, appétit nanga ye. Simba, simba, simba, ma chérie. Tata si yina na kokweya, kola nga ngone si bela na lebe si. Si si etoile, etoile de la. Simba, simba, ma chérie. Simba, boli mwe katani. Kukomo kika na besanti. Willy Carlos. Vincent Gomez. Simba, simba, simba, ma chérie. Singa boli mwe katani. Kono kita na naissance. Chera batu la chèvre prise. Mata mwe sali basha. Tua bide la mouke. Soto mo bide ningane. Basi kuwa ebenzi mate. E katana e. E pasu katoni. Nero kwa pema e. Étoile d'État, Claudia Sassou.